C'est Nono Noël, et ce soir l'essentiel, c'est de regarder là-haut. Père Nono Noël, fais-nous la plus belle. Cette année, j'ai pas été sage, je me suis comporté comme un sauvage. À l'école, j'ai fait des ravages et rendu mes parents verts de rage. Des cadeaux, j'en ai pas mérité, mais je sais qu'elle va m'en apporter. C'est Nono Noël et ce soir l'essentiel, c'est de regarder là-haut. Père Nono Noël, fais-nous la vie belle, belle, belle. Oh, c'est génial! C'est Nono Noël et pour lui dans le ciel, on est des angelots. Père Nono Noël, fais-nous la vie belle. Ah yeah! J'avais promis d'être mignon et puis j'ai mangé comme un cochon. Alors, sur mes deux oreilles. C'est Noël.